Le porte-parole du Conseil pour la réconciliation nationale a publié le 11 une déclaration qui dit notamment « Au milieu du grand intérêt du pays et du monde, a eu lieu en Corée du Sud le 10 mars le jugement final de Park Geun-hye, 18e président de Sud-Coréenne. Sans tirer la leçon de la mort pitoyable de son père, qui a été assassiné par les balles d'un de ses infidèles qu'elle a constaté elle-même, Park Geun-hye avait occupé la Maison Bleue en proie à l'ambition terrible du pouvoir, y a été destitué un an avant le terme de son mandat, abandonné par le peuple. Cela est le sort tragique et inévitable du pouvoir de Park Geun-hye, tristement célèbre comme deuxième pouvoir de Park Chung-hee. Toute la nation affirme unanimement que la fin pitoyable de Park Geun-hye est la victoire historique de la justice obtenue par la force illimitée du peuple. Tous ceux qui sont serviles aux grandes puissances et hostiles aux compatriotes en trahissant la nation seront sans faute voués au sort pitoyable comme Park Geun-hye. Voilà notre position invariable. Notre nation donne l'avertissement sévère que tous ceux qui se sont conduits lâchement avec Park Geun-hye, déchets humains anormaux abandonnés par le peuple, les États-Unis en premier lieu, subiront le même sort que la traîtresse. La fin de la trahison et de la traîtrise est le jugement le plus honteux et la victoire finale appartient toujours au vaillant peuple juste.